Galaxy, fréquence 95-30 pour le meilleur de la musique électronique avec à l'instant Emmanuel Top et son morceau Acid Phase. Et avec nous pour terminer son Ghetto Mania, c'est DJ Manhattan. Comment tu vas, DJ Manhattan? Très bien, et toi Jérémy? En forme? Ouais, ça va. Ouais. Bon, écoute, on se prend quelques minutes ensemble pour discuter au niveau de ton planning parce que tu as quelque chose qui est prévu, notamment une date importante dans un club important de la région qui viendrait ouvrir ses portes. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein? Ouais, tout à fait, ça ouvert depuis deux semaines. Tu peux te rapprocher un tout petit peu du micro, peut-être de l'autre, essaye de. Ouais, les deux fonctionnent. Bon, ok, ouais, tu peux juste te rapprocher du micro. Donc, je disais, le Cherry Moon a rouvert ses portes. Tu m'arrêtes si je me trompe, février, depuis avec la semaine dernière, ouais. Dead Mau5, je pense. Et ce soir, c'est Paul Van Dorn. Ouais. Et puis, il y a encore d'autres dates de prévues courant février, non, de tête. Toute la semaine. Toute la semaine. Et donc, c'était, alors, pour se remettre un petit peu au goût du jour, c'était, il y avait le Colosso. Qui avait repris l'ancien concept Cherry Moon pendant un an et demi à peu près, je pense. Tout à fait, ouais. Il y avait Manu Kenton en résident, de souvenirs, là. Il y avait aussi Ghost, je crois. Ghost, et le Cherry Moon avait fermé ses portes, et puis là, ça a réouvert donc en février. Et tu y es. Ouais, tout à fait. Au mois de mars, donc. Le 23 mars. 23 pour la mars. Ouais, de rétro, t'es tout seul, il y aura Yuri, il y aura. Bah, moi, je joue avec Alain Faber et Mike Thompson. Ça va, c'est pas de la petite pointure. Ouais, hein, c'est... Non, ça va, ah non, ouais, tu te fais plaisir. Soirée, ouais. Et qu'est-ce qui vient d'arriver derrière moi? C'est Hubert. Putain. Et Hubert, je pensais pas que t'allais. Et je pensais que j'allais faire le top tout seul. Là, c'est bon, il est en forme. Et donc, Manhattan est au programme donc, de cette soirée rétro Cherry Moon le 28. Ce sera plutôt quoi? Rétro tech, art tech? Ça sera rétro, bah, l'ancienne, la gauche, Cherry Moon. D'accord. Dans le style, le pur style de ton émission. Tout à fait. Ouais. D'accord. Et au niveau de ton émission, sur internet, on peut te retrouver à l'adresse, je pense. Il y a une adresse internet, un portail. Mon site djmanhattan.com. Bon, et on peut retrouver quoi sur le site? Pas mal de mix. Sinon, il y a mon MySpace aussi où on peut trouver des vidéos, des mix. Et on peut correspondre avec toi et avoir ta playlist. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ok. Et le mix d'aujourd'hui, il est disponible à partir de quand? Je sais pas. Bon, en tout cas, je l'enregistrerai, mais je vais le mettre. Ouais, j'ai vu, t'avais l'ordinateur allumé. Bah écoute, Manhattan, je sais pas, d'autres infos à part cette soirée au Cherry Moon, c'est la prochaine date importante pour toi. C'est la prochaine date importante. Ouais. Bon, ok, bah tous rendez-vous au Cherry Moon avec l'ami Manhattan le 28 mars. Le 23 mars. 23 mars, excuse-moi. Juste avant le lundi de Pâques. Juste avant le lundi de Pâques pour cette soirée à ne pas manquer, à marquer sur tous les agendas, où Manhattan sera au platine avec notamment Alan Faber et puis. Mike Thompson. DJ Manhattan, merci. À la semaine prochaine pour un autre Ghetto Mania entre 16h et 18h. Et on te retrouve sur internet www.djmanhattan.com. Salut. Merci Manhattan. On va démarrer donc avec notre ami Hubert qui charge les platines, qui charge les morceaux, l'Eurotop. Et puis on y va dans quelques minutes. On démarre tout de suite avec le 40e morceau de l'Eurotop. C'est Let It Go avec les Dirty South. C'est parti pour le nouvel Eurotop de la semaine. C'est parti. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. We'll be right back. Pour une nouvelle édition de l'Eurotop 40 avec l'ami Hubert en et face de moi. Et le petit Larsen pour confirmer que je suis bien arrivé. Et t'es arrivé et on est en direct et tout le monde est en pleine forme. On ça est en direct et puis on va pas le cacher, c'est un petit peu le bordel aujourd'hui. Ouais, hein. Ça a été la route ? Oui, bon, ça bouchonnait un petit peu. Ouais, quand ouais, t'as pu le voir, je suis arrivé un peu plus de 17h. Écoute, pas de soucis. 18h plutôt. Ouais, 18h, pas de soucis. En plus, Manhattan, il a fait une petite inter en apéritif. J'ai entendu. Il sera au Cherry Moon hein, fin mars avec Alain Faber et Mike Thompson. Bon, 40 morceaux à parcourir avec toi, Hubert. 40... Avec un classement qui a été pas mal bousculé. Il y a des artistes entrées, qui ont notamment été éjectés. Des sorties, des jolies des sorties. Qui sont arrivés, de belles nouveautés ouais. qui sont entrées dans l'Eurotop 40 que vous allez pouvoir découvrir avec nous. Enfin, ouais. on les a déjà découvertes. Ouais. En tout cas, vous pourrez les découvrir ou peut-être les redécouvrir jusqu'à 19h30. Un joli pied au cul pour certains morceaux. Il y en a 7 ou 8, je pense. Il y en a 8 dehors. Allez, ciao, oui, c'est parti. On peut déjà les citer. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, sorties. Je prépare les morceaux, vas-y. Donc au niveau des sorties, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a Basto et Savior qui a éjecté. DJ Toca Disco avec Morambi. C'est surprenant, mais bon, c'est comme ça. Glenn Morrison, Circle, qui a viré son derge aussi. Virgil Ezinger avec Inside. Dusk, Living dehors, Planet. Dehors. Split avec Falling. DJ Jockey avec Born Sleep High qui a également sorti donc du classement de l'Eurotop Galaxy donc pour ce mois de février. Voilà. Et comme il y a des morceaux qui sont sortis, il y a des nouvelles entrées. Alors il y a du gros, il y a du lourd. Oui, du très bon. Et il y a des superbes morceaux qu'on a découverts. On s'est appliqué pour les entrées. Bon, effectivement, ça reflète, comme on vous a dit, les 40 titres les plus diffusés donc à l'antenne. Et c'est avec ça qu'on fait notre popote et qu'on réalise le classement de l'Eurotop Galaxy. Ouais. Voilà, alors on a démarré notre émission avec Dirty Saf qui était placé à la 40e position, Let It Go. Juste après, on s'est écouté le morceau de Gregor Treasure à la 35e position, A Thousand Nights. Et puis je te laisse, Hubert, partir de la 34e jusqu'à la 31e place. Vas-y, Hubert. La 31e, c'est donc 34, Jan Avril, avec Diane de Grand Bullshit qui était déjà parmi nous. Tout à fait. Le mois dernier, classé donc 33, c'est Dead Mofi avec The Rising qu'on retrouve régulièrement. Même si c'est pas leur titre, des fois ils sont sur certains remix aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc classé donc 33, donc je disais donc Dead Mofi. 32, c'est System 7 avec Space Bird. C'est Space Bird qui fait d'ailleurs son entrée aujourd'hui dans l'Eurotop Galaxy. Classé numéro 31, c'est King Unique et Identity. Puis on arrive enfin au numéro 30. C'est le numéro 30 qu'on balance ou le 31. On passe 31 et après tranquillement on arrivera à la 30e position, Hubert. Donc on s'écoute King Unique avec Identity. Et puis on aura encore 5 ou 6 nouveautés, des cadeaux, puisque j'ai vu que t'es venu avec ton petit sac et des cadeaux. Surprise pour vous qui vous attendent. On vous en reparlera tout à l'heure. Ok, c'est parti avec King Unique, 31e position du top 40, le morceau Identity. C'est numéro 40, ils se retrouvent carrément à la queue-leu-leu de ce Eurotop Galaxy. Ils étaient 39 la semaine dernière, c'est Dirty South avec Let It Go. Classé numéro 39, en revanche, c'est la plus grosse gamelle de l'Eurotop Galaxy de ce mois de février. Elle est signée Fédé Legrand, c'est 3 Minutes to Explain qui perd 21 places. Classé numéro 38, Dead Mo5 avec Desynchronized qui ne perd que 2 places. 37, Funk Agenda avec What The Fuck, dégringolade de 13 places. Dégringolade également de 12 places pour Prida et Europa. Classé numéro 36, 35, Gregor Treasure et Two Zone Night qui ne bougent pas. 34 Jellabril, The Underground Bullshit, 33 Deadmo5 The Rising, 32 System 7 et Spacebird qui a fait son entrée cette semaine et que vous avez pu d'ailleurs écouter tout à l'heure. Classé numéro 31, King Unique avec Identity, et classé numéro 30, c'est encore une entrée qu'on vous balance d'ailleurs tout de suite, Son of Ro, Black Mane in Space, entrée de l'Eurotop Galaxy, classé donc numéro 30. L'Eurotop Galaxy. Somebody once said that there is no soul in space. Somebody slapped that fool. Voici Eurotop, c'était Inner Sphere. Je me suis gouré, Hubert. C'est pas grave. Je me suis gouré. C'est là maintenant. Hubert. On Galaxy. Voilà, ça c'est le bon jingle, Hubert. Ça c'est le bon jingle. Ça merdouille sec aujourd'hui. Ouais, y a pas de souci. Attends, vas-y, je te laisse parler. Je vais recharger. Bah maintenant que tu m'as envoyé le tapis musical, y a pas de problème. Hein. Vas-y. Donc bah vous écoutez Galaxy sur 95.3 www.galaxyfm.com pour ceux qui préfèrent plutôt nous écouter sur le net ou ceux qui n'ont peut-être pas l'occasion de nous écouter directement sur l'FM. Hubert, y a trop de boutons devant c'est moi. C'est l'Eurotop, donc comme tous les derniers samedis du mois, entre 18h et 19h30. Et puis là on va mettre le classement de l'Eurotop de côté quelques instants. Ouais. Puisqu'on vous a concocté un petit jeu qui va quand même vous permettre de remporter quelques bonnes compiles, des t-shirts à l'effigie de Digistorm qui officie aussi chez nous déjà depuis quelques années. Et on vous balance aussi, tiens, dans la foulée, quelques entrées gratos valables pour une des soirées qui aura lieu le week-end prochain. Donc pour jouer, on a un extrait musical à vous balancer. Donc surtout, montez le volume, pas trop quand même, hein, sinon vous risquez de vous fâcher avec les voisins. Mais bon, maintenant si vous voulez mettre plus fort, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire péter le son, il n'y a aucun problème. Écoutez bien l'extrait musical qui arrive. Il faut retrouver un succès de l'année 2004, je crois. Ouais. Succès dance, electro dance. Voilà, on n'en dit pas plus, sinon on risque de leur donner la réponse. Donc, et vous nous appelez 03 20 83 57 57. Nous jouons avec la première bonne réponse. Ah ouais, ouais. Mais c'est une bombe phénoménale. Encore tout le monde connaît. Si l'Eurotop Galaxy existait à l'époque, je vous promets qu'il aurait été dans l'Eurotop très, très bien placé pendant plusieurs mois. Alors, c'était un hit européen. Voilà. Maintenant, tout le monde le connaît, la version remixée. Par contre, ce qu'on va passer là est que. J'ai trouvé une vieille version que j'ai regonflée le son était complètement pourrave. T'es allé la chercher où, là? Dans tes vieux vinyles, à la maison? J'ai retrouvé ça dans une compile sur CD, mais bon. J'améliorais un petit peu la qualité. Bon. Écoute, on découvre ça tout de suite. 30 secondes pour découvrir le nom de l'artiste. Vous nous appelez juste après. Et nous, on s'écoute et on continue dans le top. On s'écoute un gros succès. Je me souviens plus, c'est quoi? Waiting For. Je me souviens plus du nom de l'artiste, dis donc, Hubert. Ouais, c'est pas grave. Et puis on se retrouve Tim juste Royko, après pour. Tim Royko, Waiting For. Vous donnez for. Donc la réponse donc, au jeu qu'on vient de lancer. Moi, j'aurais pas trouvé, Hubert. Sincèrement, j'aurais pas trouvé. C'est vrai. Tu me l'as fait écouter, j'aurais pas trouvé. Donc c'est que j'ai assuré. Ah ouais, t'as assuré. Maintenant, c'est à eux d'assurer. Voilà. 03 20 83 57 57. Vous tendez l'oreille. Si vous trouvez le nom de l'artiste, extrait vous nous appelez. Musical. C'est parti. Écoutez. C'est reparti, la suite de l'Eurotop 40 avec notre ami Hubert, 18h35. Et je vous dis tout de suite que c'est Jérémy qui se trouve derrière la console. Hein. Donc, ça la recette, ça. Mais écoute, il y a trop de boutons, mais je te dis. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Je sais pas, aujourd'hui, je sais pas, tu m'as troublé. T'es arrivé en retard, tu m'as troublé. Oui, mais c'était soit j'arrivais à l'heure sans rien, ou alors j'arrivais avec vraiment 3-4 minutes de retard, mais j'avais tout avec. Il y a trop de boutons sur cette table de mixage, Hubert. Bah, enlève-en quelques-uns, tiens. Je vais avec un pied de biche, ça va faire plaisir à Jean-Pierre, ça. Bah, justement, il y a des petites choses à changer, donc ça tombe bien. Bon, qu'est-ce qu'on s'est écouté là récemment, Hubert, dans l'Eurotop 40? C'était donc Tim Royko, Waiting For. C'était classé donc numéro 28 le mois dernier. Ça n'a pas bougé, c'est toujours classé 28e voilà. Ce mois-ci. Et juste avant, on avait lancé un petit jeu. Hubert, vous avez présenté un petit jeu. Et la bonne réponse, apparemment, a été trouvée. A été trouvée par un gars qui nous appelle de l'étranger. Ouais, donc alors maintenant, ce qu'on va faire, Hubert, c'est qu'on va croiser les doigts parce que là, c'est moi qui suis aux commandes. J'espère que ça va passer. Vas-y. Alors, Allô, est-ce que t'es avec nous? Allô, Mister. Il est pas avec nous. Attends, je vais essayer de toucher ici. Vas-y, ici. Allô. Ah, j'arrive pas, Hubert. Bah alors, que se passe-t-il? J'arrive peut-être. Allez, peut-être ici. Allô? Non, bah écoute, Hubert, désolé. J'arrive pas vraiment en train de chier dans la colle, là. J'arrive pas à le faire passer à l'antenne. Bon, bah c'est pas grave, on le reprend hors antenne. En tout cas, bon, bah pour confirmer la bonne réponse, on va quand même essayer d'envoyer l'extrait musical avec le refrain. Ouais. Et la version des Star Sailor juste après. C'est parti. Chaud. Vas-y, allez. Allez, claque dans tes mains. Allez, vas-y, Hubert. Tu claques dans tes mains. Des petits larcènes encore, hein. Ouais, c'est ton casque, tu l'approches trop. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on s'écoute là, Hubert? Voilà, c'est Dirty Sauce, me semble-t-il, classé numéro 25 avec The End, qui a d'ailleurs fait son entrée aujourd'hui dans le top 40 Galaxy. Et un petit larcène. Entrez dans l'univers du dancefloor. Hubert. Hubert. On Galaxy. Et c'est reparti dans l'Eurotop 40. Si tu viens de nous rejoindre, tu cales les fréquences 95-30, le meilleur de la musique électronique. On est ensemble avec Hubert pour faire le tour d'horizon des 40 morceaux les plus diffusés sur l'antenne. Avec Hubert en pleine forme aujourd'hui, comme d'habitude et tous les samedis. Je te remercie, Jérémy, mais bon, je vois que. Ah, moi je plane à 15 000. Tu pètes la forme aussi. Moi je plane à 15 000. Ça pète dans tous les sens aujourd'hui. C'est clair. Hubert, la surprise. Hubert, la surprise. Mais oui, j'ai une surprise pour toi, Jérémy. Le pire, c'est que je l'ai calé. T'as jamais eu l'occasion d'écouter. Ah, non, j'ai pas tu voulu. Sais vraiment pas, tu vas découvrir en même temps que les auditeurs. Hein, donc, il y a un mot que t'adores dire. Ouais, je sais pas. Ah, j'ai un tic verbal. Et puis, je me suis amusé avec ce truc. J'ai un tic alors. Je me suis amusé avec ça. Et franchement, le jour où j'ai monté ça, je riais tout seul. T'as fait pipi ta culotte. Bon, j'ai un tic. Pratiquement. Bon, écoute. Pratiquement. 3, donc, 2, 1, on y va. Et qu'est-ce que tu dis juste avant de lancer? C'est parti, non? Voilà, bah, tu peux le dire juste avant. Allez, vas-y, s'il te plaît. Bon, Galaxy, c'est parti pour la surprise. C'est parti. On découvre tout de suite. C'est parti. Salut, Galaxy. Salut, c'est parti. Galaxy. Belly Button. C'est parti. C'est parti. Salut. Eurasia. Tu envoies la purée tout de suite, c'est s'il te plaît. C'est parti. C'est l'Eurotop 40. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On s'écoute ça tout de suite. C'est parti. Oh, Galaxy. Oh, c'est cool. Parti pour le show. Très cool. Voilà. C'est tout. C'était la petite surprise d'Hubert pour Jérémy. Tu l'as apprécié, j'espère. Ouais, je l'ai apprécié, Hubert. Non, mais c'est en montant un best-of, je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais tiens, mais il y a un truc qu'adore dire, c'est parti. Bon. Alors, du coup, j'ai dit, je fais quelque chose avec ça. Ouais, bah voilà. Écoute, super surprise, moi j'adore. Perso, j'adore. T'as aimé? Ouais, mais bon, je suis un petit peu vexé quand même. Je le dis pas trop souvent, c'est parti. Bah, si, quand même. Toi aussi, je vais essayer de repérer. Écoute, il y a certainement des choses, mais amuse-toi. Non, ce que je vais faire, ça va dans les deux sens. Je vais reprendre les bandes d'enregistrement et puis après, je vais voir si toi, t'en as pas, toi, des tics verbaux. Il y a certainement des trucs. Je sais pas. Si. Tu vas bien trouver quelque chose. Ouais, je vais trouver. Bon, allez, c'est reparti. J'ose même plus parler. C'est reparti avec notre Eurotop 40. Et on s'écoute là un excellent morceau classé à la 21e place, Hubert. Van Strook. Avec son The Whistler. C'est parti. Merci, Jérémy. Thank you. C'est pas Jérémy non plus. Moi, j'ai encore réserve. Yes. Vous pouvez nous téléphoner au 03 20 83 57 57 pour deux choses. Soit pour connaître les références des morceaux diffusés, soit pour directement passer à l'antenne, Hubert. Ou alors connaître la couleur de ton slip. Eh ouais. Et qu'est-ce que tu fais, Hubert, ce soir, toi? Je vais glander je ne sais où. À Macumba. Je sais pas. Je vais peut-être aller manger quelque part. Et puis après, ce sera selon l'humeur des gens qui seront avec moi. D'ailleurs, okay. S'ils m'écoutent, je leur fais un petit clin d'œil. Ainsi qu'à Béra qui nous écoute depuis l'année dernière, qui suit de très près l'Eurotop Galaxy. Okay. Elle nous écoute via le net, www.galaxyfm.com. N'oubliez pas de cliquer sur live, évidemment, sinon vous n'entendrez rien du tout. Ok, voilà. Petit coucou à Béra, et puis des idées sorties pour toi, Hubert. Hubert, je te kiffe d'enfer. Non, c'est pas vrai. Elle dit ça, Hubert, je te kiffe d'enfer. J'ai tout, moi, j'ai un MySpace, j'ai un YouTube. Équipé, j'ai... Hein. Je suis équipé. Au niveau des burnes, t'es équipé aussi. Je suis équipé aussi. Vous êtes des milliards à nous écouter tous les ans. Waouh, c'est sûr. Géant. Jusqu'en Chine, on nous écoute. Ah ben, on les écoute en Chine aussi. Hubert, un petit mot à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour. Ça va, Hubert? Ça va bien, et toi? Moi, ça va super. Et apparemment, il y a des gens qui se foutent de ma gueule sur le chat. Attendez que je vous attrape. Ils ont dit que Hubert, c'était le pervers avec sa voix de crooner. D'accord. Et qui a dit ça? C'est Jail sur le chat Galaxy FM. Moi, je m'en fous, tant que c'est pas Cindy qui l'a dit. Au revoir. Au revoir, Hubert. Salut, Hubert. Ciao. Salut, ciao. C'était déjà bien le bordel quand même. Hein. Ouais, on Galaxy. Voilà, c'était donc la deuxième petite surprise que je tenais absolument à vous faire et qui aura aussi fait plaisir à notre ami Jérémy. Et puis je me suis mis dedans quand même. Hein. Oh là là. Et qu'est-ce que ça peut être aux commandes, Hubert? Qu'est-ce... Ah, c'est super. Ah bah, et je suis pilote déjà depuis très longtemps. Tu sais. Il m'a éjecté. C'est vrai que je savais pas appuyer sur les boutons. J'ai laissé la place au chef, au capitaine viré, de soirée. Dit, mais c'est quoi ce carambolage là? J'ai dit on va pas laisser ça comme ça aujourd'hui. Hein. Bon, écoute, on se fait une petite rétrospective des morceaux qu'on s'est écoutés dans l'Eurotop 40. Ah bah, nous faire un petit récapépète. Vas-y, c'est parti. Donc on s'est écouté tout à l'heure Dirty Saf à la 40e position qui a perdu une place par rapport à la semaine dernière. Il y avait à la 35e position Gregor Treasure et son titre A Thousand Nights. On s'est écouté également King Unique Identity, Tim Royko Waiting For, Steve Angelo qui a pris 5 places à la 27e position. Et puis il y avait également Dirty Saf, entrée de la semaine avec un classement à la 25e position. 21e position Clone Von Stroke avec son The Whistler qui a pris 6 places dans la figure, Hubert, mais c'est en bien positif. Pour lui. Non, en positif, en positif. Ah, bon, il est monté dans le top, il est monté dans le top. Et puis on vient de s'écouter Freemason avec la voix de Bailey Tsuke. Ah mais moi quand j'entends ce truc là, ça me donne des drôles d'idées. C'est hein, franchement, au carton en ce moment avec le morceau. Ça s'est bien vendu partout. Hein. Invited, qui stagne à la même place, 18e place cette semaine dans l'Eurotop 40. Eh ben, c'est très bien, si ça pouvait remonter, ce serait une bonne nouvelle. Hein. Okay. Et il faut pas oublier aussi que le titre qu'ils avaient sorti juste avant était très bien, il avait bien marché aussi. Ah, hein. Je me souviens plus le nom, ça m'échappe. Comme ça, je l'ai plus. Ouais, hein, mais c'est parce que je l'ai réentendu justement la dernière fois. Je me suis dit, ouais, ça fait quand même deux bombes qui l'alignent comme ça, l'une derrière l'autre. Hein. Bon, on s'approche tout doucement de la première place. Qui sera premier cette semaine? C'est pas moi et c'est pas Jérémy. En tout cas, il y a eu du changement par rapport à la semaine dernière. Le premier a valsé. Hein, ça, c'est plus. On avait dit avec Guillaume justement durant la semaine quand je suis passé vendredi. C'est plus Alcatraz. Non, c'est plus Alcatraz. Alcatraz est dégringolé de 6 places. On dit rien. On verra ça tout à l'heure. Bon, t'as plus d'autres surprises, Hubert? Ah bah écoute, en fouillant un petit peu dans mes disques durs, à mon avis, j'ai bien quelque chose qui traîne. C'est vrai? Ouais. Bon. Allez, on continue en musique? On y va. On s'écoute quoi, Hubert? Bah écoute... C'est à moi de deviner. Je te laisse annoncer. C'est une nouveauté, c'est sorti il y a quelques semaines, c'est un objectif intergalactique du moment. Le groupe s'appelle Lange avec le morceau Songless classé à la 17e position. Voilà, donc c'est l'Eurotop jusqu'à 19h30 comme tous les derniers samedis du mois, donc jusqu'à 19h30, ça je viens de vous le dire. Et puis surtout, restez bien branchés, on aura encore quelques petits cadeaux pour vous tout à l'heure. Des cadeaux, allez, c'est parti. Try! trying to say it's getting stuck, but I get so close. And now I'm out of time to let you know I'm songless. Ils sont classés 17e dans l'Eurotop Galaxy ce mois-ci. C'est Lounge avec Sanglès qui a fait son entrée aujourd'hui. L'univers du dance floor. On Galaxy. Jérémy qui s'est retrouvé de l'autre côté de la bulle, ça change un petit peu. Et hein. T'es beau comme ça derrière le. Oh, derrière ça change pas, c'est pareil, tu sais. Hein, sois pas jaloux comme ça. Tu sais, j'étais fatigué au début d'émission, là je pète la forme. Hey, j'ai envie de sortir de ce soir. Son cul et de ne rien faire. Ah, aussi, c'est clair, hein. Là je me laisse. Ah, moi, c'est le genre de truc que j'aime bien faire, tu vois. Et je me laisse voguer, là c'est nickel. C'est bien, tu n'as que le micro et basta, et terminé. La petite feuille devant les yeux. La petite feuille, exactement. Et puis comme ça, tu racontes toutes les conneries qui te passent par la tête. Ce soir, j'ai envie de sortir à fond la caisse. C'est Macumba ou Brasco ou le Cap Bleu. Jérémy, ouais. Quelques petites infos justement. Soirée prévue pour ce week-end et essentiellement ce week-end. Ouais, tu sais quoi, Hubert? Tu me laisses 30 secondes parce que je vais venir rechercher la feuille. J'ai oublié de prendre la feuille. C'est pas vrai. Je te jure, alors, j'arrive tout de suite. Vas-y. Voilà, donc je vous rappelle que c'est l'Eurotop Galaxy. Décidément, il m'en fait faire celui-là aujourd'hui. Hein. C'est l'Eurotop Galaxy. Donc je vous rappelle que c'est tous les derniers samedis du mois, donc entre 18h et 19h30. Ça s'écoute évidemment sur la FM 95.30 ou alors sur le net pour ceux qui ne peuvent malheureusement pas nous écouter puisqu'on n'est pas une radio nationale. Eh oui, c'est comme ça, que voulez-vous. Dans ce cas-là, vous connectez sur le net, vous tapez www.galaxyfm.com et bien sûr, vous allez sur live pour écouter la radio donc en qualité 128 MP3, c'est yes, ça. Yes, nickel. Voilà. Bon voilà, j'ai la petite feuille. Impeccable, on va pouvoir faire le tour d'horizon des principales soirées marquantes pour ce week-end avec une idée sortie ce soir du côté du Bliss Club. Hubert, si t'as rien à faire, tu peux aller écouter le duo DJ 6PO et DJ Flamme. À la bûche, les Saturdays New Station. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, mais je disais, j'irai. Ouais. X-Tian, Silver C à la bûche, Frank G également, Laurent Top. À l'Escape Concept ce soir, soirée résident avec Dave, Luke, Huggy, Anton. À l'âge de Zoo, soirée spéciale. Huggy Anton, qu'on peut retrouver déjà depuis quelques semaines maintenant sur Galaxy, tous les mardis soirs, ouais, avec l'ami Guillaume, qu'on salue d'ailleurs au passage. Entre quelle heure et quelle heure? 18-19? 18-19 avec Timothée. Voilà. Pour une émission soulful et garage. L'âge de Zoo ce soir, une soirée spéciale. Wannabe au millionnaire avec en guest Troy Dunn, Massimo D'Acosta et les résidents Chris Johan et Simaï. Au Pulse Factory, ça va te faire plaisir, ça. Massimo Guardia, c'est ça? Massimo D'Acosta. Non, Massimo. Mais tu connais Massimo Guardia quand même. Massimo Guardia, c'est qui? C'est qu'il nous fait une petite dépression c'est... en ce moment. Massimo Celui Guardia, c'est la jet set. Ferme célébrité. Ouais, c'est la jet set. Alors, Pulse Factory ce soir, soirée à ne pas manquer, on y va nous, hein, je pense. C'est Go-Go. Pulse Factory. C'est un Go-Go contest ce no soir. Problemo. Avec un concours de Go-Go dancer ouvert à toutes les filles qui aiment bouger, danser et faire la fête. Et parmi avec... les Go-Go, on va retrouver Jérémy. Ouais, si vous voyez un grand maigre là-bas du côté de... sur un haut-parleur, c'est moi, ouais, c'est moi, c'est pour la soirée Go-Go. Avec Sipi, Malcolm Fanza et puis Victor du côté du Pulse Factory. On termine avec le Zoo Club, soirée R&B Station. Avec Thomas. Thomas, non, la team Bot People, le Zoo Club. C'est plus Thomas, c'est une nouvelle team avec Arnaud, Ludo, Serum. Ok, j'ai encore un peu de retard. Thomas, c'était il y a quelques années. Et puis tu retrouves toutes ces informations en un clic et de manière plus précise sur le www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. Voilà, tout est dit pour l'agenda de vos soirées. T'es sûr que tu n'as rien oublié? J'ai rien oublié. Qu'est-ce que j'ai oublié? De dire que c'est parti. L'univers du dance floor. It's true. Life will smile for you. It's true. Life will smile for you. I'm côté Galaxy, c'est l'Eurotop jusqu'à 19h30. Entrez dans l'univers du Dancefloor. On Galaxy. Hubert et Jérémy, donc comme tous les samedis derniers du mois, donc comme tous les derniers samedis du mois, j'ai fait une espèce de méga mix à l'envers. On a compris, moi j'ai compris. Bah oui, mais bon, moi aussi j'ai compris, mais le cerveau qui a mis un petit moment à réagir, mais bon, ça a été. On vient de s'écouter un excellent morceau classé à la 16e place, c'était Dominique Holberg avec son titre Love and Zan, qui a perdu quand même 5 places depuis le mois dernier. Donc bon, j'espère, on croise les doigts pour Dominique. Qui l'a pistonné comme ça? Je sais pas, mais bon, en tout cas, il s'est fait devancer par 3 entrées, dont une entrée qu'on va découvrir, une nouveauté qu'on va découvrir dans quelques minutes, qui sont des bombes, notamment celle de Deadmau5 qui est classée dans les 10 premières. Comme je dis toujours, les Deadmau5, on les retrouve partout dans le classement. On les retrouve partout. Partout sur la planète aussi. Et même au Cherry Moon au mois de février. Parce que je sais pas si tu sais, le Cherry Moon a rouvert ses portes. Il avait fermé ses portes. Et puis réouverture, nouveau concept, techno-électro. Et il a fait la réouverture au mois de février. Deadmau5, il était en guest pour la soirée de réopening. C'est cool, voilà. Ça. À l'Ocuron. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien pour les, oh, bah, les grands fans du Cherry Moon. Les non, grands fans. Et il y en a énormément. Il y en a. Bon, et petit cadeau. Oui, justement, j'allais dire, qu'est-ce que tu nous balances comme cadeau? Alors moi, j'ai une compile dans la main, Hubert, c'est celle que tu as ramenée, qui va faire certainement plaisir à beaucoup de monde. C'est une compile de chez Norway Productions, donc c'est de la techno, hard techno. C'est le, oui. mix Techno Club qui est mixé par DJ Kevin M et DJ Merlin. DJ dédiqué, tu voulais dire? DJ dédiqué, non, pas dédiqué, ni Belly B. Tu sais que réputation mondiale, le gars. Tu, oui, sais que, continue, hein. Tu sais qu'avant les Belly B, il était en fait classé meilleur DJ au monde à la fin des années 80. Il me semble qu'il a été quatrième. Quatrième? Ouais. Bah écoute, moi je suis marseillais. Et j'ai eu la joie de le rencontrer il y a très longtemps. C'est vrai? Et je l'ai regardé mixer, j'étais quasiment à côté, quoi. Moi, j'étais pas né, Hubert. Franchement, c'est moi j'étais pas né. À la fin des années 80, tu sais que DJ R&B, ouais, il faut y aller, hein. Franchement, c'est des gars qui bossent. Hein, au niveau pas, technique, hein. Ouais, au niveau technique. Très très balèze. Hein. Technique différente des DJ. Ah oui, c'est tout à fait différent. Hein. Donc cette compilation, je l'ai dans la main, elle va certainement te faire plaisir si tu souhaites la gagner. Donc Art Techno et Techno, Norway Production, 24 titres mixés par Kevin M et DJ Merlin. Je sais même pas si je vais la donner. J'ai plutôt envie de la garder. Ce qu'on va faire surtout, c'est que on va changer un petit peu le système. C'est que d'habitude on joue par exemple avec le 10e, le 15e, le 20e appel. Là on joue avec quoi? Cette fois-ci, ce qu'on va faire, bon, on va l'offrir au plus rapide. Au plus rapide. Voilà. C'est parti. Au plus rapide, là, celui qui nous appellera là tout de suite, 03 20 83 57 57, car on a la secrétaire qui s'endormit. Ah, mais c'est moi qui m'y colle en plus au standard. Écoutez, musique, c'est parti là avec un superbe morceau. C'est Jonas Ster, le morceau Night is Young, c'est une nouveauté, une entrée dans l'Eurotop 40 cette semaine. Et comme dirait Jérémy, c'est parti. bon son et rien que pour vous, c'est sur Galaxy 9430 ou www.galaxyfm.com. C'est l'Eurotop jusqu'à 19h30 avec Hubert et Jérémy. On vient de s'écouter mon coup de cœur en ce moment, c'était Jonas Ster avec The Night Ision qui est classé à la 14e place, Hubert. Merci Jérémy de faire ton boulot. Merci. Merci à toi. Merci Jérémy. Et tu gères bien les commandes. Ah bah y a pas de souci, hein. Tu sais, je suis tombé là-dedans très tôt, tout petit. Au tout début des radios en 1980, tu te rends compte quand même. Et bon, on s'approche tout doucement de la première place, tranquillou. Avec Les gens ils vont se dire, il y a quel âge à ce mec là? C'est qui pas ça, possible. Hubert? Les auditeurs. 50, 60? Non, n'exagère pas. Et 52, bah tu vois, on arrive au bout. Donc maintenant tu dis ce que tu avais à dire et puis tu te débrouilles. Non, je disais que on s'approchait de la première place et puis on va s'écouter là Marc Ramboy avec Eurasia, mais on va se faire d'abord un petit récap de la 20e place à la 10e place. C'est parti. Merci Jérém, tu peux le redire encore une fois? On va partir de la 20e place à la 10e place avec Hubert et Jérémy dans le cadre de Galaxy Eurotop 40. C'est parti. Merci. Classé numéro 20 cette semaine, John Dolbach avec Belly Button, c'est plus une place. 19, Mighty Dubcats avec Just Another Groove qui dégringole de 11 places. Classé 18, Freemason qui ne bouge pas avec une Invited. 17, Lounge Soundless. Classé numéro 16, Dominic Hulberg avec Lowenzan, c'est moins 5 places. Classé numéro 15, Doobfire Roadkill qui retombe de 2 places. Classé 14, Jonaster, The Night Is Young. Classé numéro 13, Gabriel et Dresden avec Pearl qui grappille quand même 3 petites places aujourd'hui. 12, Sandy Rivera et Az avec Freak qui ne bouge pas. Classé numéro 11, Sultan et Taji Vice, plus 4 places. Et classé numéro 10, Marc Ramboy et Eurasia, c'est plus 10 places. Galaxy. Joli morceau Uber à l'instant, c'était à la 10e position dans le cadre de l'Eurotop 40. Mais il n'y a que des bons morceaux Mark dans l'Eurotop Galaxy. Avec Eurasia, qui a pris 10 places, en plus, en positif. Oui, mais ça j'avais vu tout à l'heure. Hein. 10 places, donc c'est l'une des meilleures progressions de ce mois-ci, février 2008. Mark Ramboy, Eurasia, mais en encore quelques cadeaux. Oui, et justement, j'ai trouvé la bonne question. Dis-moi. Quelle est la plus grosse gamelle de l'Eurotop Galaxy pour ce mois de février? On vous l'a dit tout à l'heure en arrivant, c'était aux alentours de 18h. Quelle est la plus grosse gamelle et de combien d'étages il dégringole surtout? Donc si vous connaissez la bonne réponse, vous pouvez bien sûr nous appeler 03 20 83 57 57 et puis question cadeau, ben Jérémy va vous dire de quoi il s'agit. Ouais, mais on a encore des quelques compilations, une compilation Machina pour les fans de l'art. Je peux bien gagner une bagnole aujourd'hui. Une bagnole, ouais, écoute, une voiture à pédale aussi. Non, sans moteur. La tienne? Ah, la mienne? Ouais, elle est dehors, mais bon, moi je sais pas si je vais la faire gagner. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal. Bah écoute, elle pourquoi gagnable, pas aller ma voiture? Elle est gagnable. Ou des carottes râpées, alors t'as pas envie de faire gagner des carottes râpées? Des carottes râpées, ça va intéresser personne. Personne. Bon, sinon on a des compilations en cadeau, quelques compilations Art Techno et Machina à remporter au 03 20 83 57 57. On rappelle la question. Ah là, quel c'est est que j'allais dire. Le titre et le morceau qui a le plus dégringolé cette semaine dans le cadre de l'Eurotop 40. C'est une sacrée gamelle. Qui était classé à la 39e position cette semaine. Et voilà un petit indice. Voilà. 03 20 83 57 57. Tu nous appelles et puis tu nous donnes la bonne réponse. Voilà. Tu repars avec la compilation. Si t'as pas la bonne réponse, c'est pas la peine de nous appeler. Voilà. Comme ça c'est clair, on reste tranquille. Voilà, bah tu peux annoncer la suite. Hein. Alors ça c'est l'un des coutumes. Mais j'arrête pas de le dire. La semaine prochaine tu vas me faire un montage avec. Pourtant la Saint-Valentin est passée. Hein. Ouais, donc là c'est Deadmau5, c'est son tout dernier, avec la voix de Kazé Barnes pour le morceau Tiny Dancer, classé à la 8e position, directement 8e position, l'un des plus gros cartons en ce moment. Et surtout ne dis pas. C'est parti. son numéro 8 cette semaine dans l'Eurotop Galaxy. C'est Deadmau5 dont on n'arrête plus de parler avec la superbe voix de Kazé Barnes. C'est Teeny Dancer. Jerem? Yes. Tu t'es endormi? Ah non, non, moi je me suis laissé embarquer par cette musique. C'est le numéro 1 pour moi là. C'est parce que j'ai pas voulu le mettre en numéro 1 parce qu'il faut prendre aussi en considération tous les morceaux, les 40 morceaux qui sont diffusés. Ouais, mais si je devais choisir, c'était voilà, celui-là. Donc, ton coup de cœur, c'est celui-là. Ah ouais, c'est celui-là. Cette semaine, D'accord. C'est clair. Deadmau5, le dernier, Teeny Dancer, c'est vraiment le gros carton. Ça part en trance progressive avec le long break, c'est nickel. Eh ben c'est cool. Eh ben moi, si tu veux mon avis, c'est lequel le tien? Celui que je préfère, c'est Cicada. Ah. Le remix d'Henrik B, c'est Same Old Same. Un bon choix quand même. Hein. Excellent choix, Henrik B, en plus super sympa. Ah non, si tu peux, tu vas sur myspace.com sur le site d'Henrik B, puis te répond. Ah ouais, super sympa. Bah, si ça tombe, tu me regardes avec tes yeux. Non, je suis pas en train de te. Si ça tombe, c'est le MySpace d'un fan. Non, c'est son vrai MySpace, puisque je lui avais envoyé quelques mails il y a 3 ans. Il avait sorti des. T'as le vinyle derrière toi. Il avait sorti des productions sur le label Pride, le label d'Eric Prydz. Et à l'époque, il venait juste de démarrer. Je lui avais envoyé un petit mail. Il m'a répondu et puis on s'échange de temps en temps quelques petits mails. Donc Henrik B, donc avec cette dernière entrée de la semaine, donc Cicada, Same Old Scene. Malheureusement, on va pas l'écouter, Hubert. On va directement placer à la 3e position. Qui est ton coup de cœur aussi. Ouais. Bon, on l'a beaucoup entendu, hein, celui-là, Rosine Murphy avec Overpowered. On l'entend partout sur l'île en Belgique, dans toutes les soirées house et branché. Morceau très classe. Hein. Ouais. Et surtout, on s'écoute la version remixée par Sisamous Edgy. Ok. Let's go, c'est parti. Let's go, baby. Galaxy. Tu vas arrêter ou quoi là? T'as envie de les faire fuir? Non. Bon bah alors arrête de chanter. Merci. Bon bah écoute, c'était la 3e position. Ouais. Rosine Murphy avec Overpowered, elle était également classée numéro 3 le mois dernier. Bon, c'est constant. Je doute qu'elle reste à la 3e position le mois prochain, parce qu'on commence à l'avoir bien entendu. Si c'est le gros carton international. Ça commence à vieillir, mais bon, ça nous fera plaisir de la ressortir de temps en temps. Il faut la ressortir, Rosine Murphy. Voilà. De temps en temps, on la ressort de son petit sac. Bon, Hubert, on s'approche de la fin de notre émission. Et oui, et qu'est-ce qu'on a débordé Maudet. Heureusement que Claude Maudet ne nous écoute pas, parce qu'à mon avis, il nous aurait tiré les oreilles aujourd'hui. Il n'est pas le seul à pas s'écouter. Quoi qu'il peut nous écouter. Hein. Si tu nous écoutes, Claude, excuse-nous. Hein, c'est pas de notre faute. On n'a qu'une heure trente et on a essayé de faire au mieux. Mais bon, en plus, il y a Jérémy qui est arrivé en retard tout à l'heure. Le mytho. Donc, bon. On essaie de faire ce qu'on peut et comme on dit, on peut pas aller plus vite que la musique. Voilà, bon, et un dernier coup d'œil sur les soirées Uber, ça te dit? Oui, bien sûr. Du côté du Blitz ce soir, le duo 6PO et Flamme, à la bûche, les Saturdays New Session, vous avez rendez-vous avec Xian, Silver C, Frank J et Laurent Top. Également l'Escape Concept ce soir, Resident Night avec Dave, Luc et Huggy Anton. L'H2O, soirée spéciale ce soir, avec Wanna Be a Millionaire, avec en guest Troy Dunn, Massimo D'Acosta et les résidents Chris Johan et Simai. Au Pulse Factory ce soir, le Gogo Contest, un concours de Gogo Dancer ouvert à toutes les filles aimant bouger, danser, faire la fête, avec comme résident Sipi, Michael Fanza et Victor. Et on termine ce soir avec le Zoo Club, une soirée R&B avec la Team Bot People. J'ai nommé Arnaud, Ludo, Serum et Romanes. Tu retrouves toutes ces infos Uber, www.galaxyfm.com, rubrique Info Soirée. Très bien, parcours sans faute, hein, tu peux parcours nous la refaire. Non. Non, mais en fait, on vous l'a pas dit, c'était une bande enregistrée. Ah, c'est faux. Bon, voilà. Écoute, qui est premier cette semaine, Uber? Donc, number one, d'ici quelques petites secondes, c'est là-dessus qu'on va se séparer, c'est Fragma et Tokami. La version remix. 4 places de mieux par rapport à la semaine dernière. Voilà. Hubert, je te souhaite un excellent week-end, un bon samedi. Va faire la teuf où tu veux. Je t'en souhaite un très bon également. Ouais. Amuse-toi bien, éclate-toi, fais la fête. La fête, là, je vais à la fruiterie chercher un petit biki. Comme on dit, faites la fête et pas la tête. Ouais, c'est beau ça. C'est bien trouvé, hein. C'est un truc qu'on avait glissé dans une pub une fois. Et la semaine prochaine, on reviendra avec des blagues de Toto. On reviendra avec des blagues. La semaine prochaine, ça m'étonnerait. Ouais, c'est tous les mois. L'Eurotop, c'est tous les derniers samedis du mois. Moi, j'ai envie que ce soit tous les samedis. Voilà, si vous voulez que ça soit tous les samedis, bah, vous faites une pétition sur le net. Je sais pas comment on pourrait faire ça. Sur le forum de la radio. Ouais, sur le forum de la radio. Vous dites, écoutez, nous, on aime bien l'Eurotop et puis on aimerait bien retrouver ça tous les week-ends. Et nous, on sera payé plus. Voilà. Sur ce, très bon week-end à tous. Jérémy, je te souhaite encore un excellent week-end et à très bientôt. Salut. Connecte-toi sur l'Eurotop. L'Eurotop Galaxy. Les 40 titres les plus explosifs du moment. Bonjour. Jusqu'en Chine, on nous écoute. Ah ben, on les écoute par Chine, c'est pas très cool. L'Eurotop Galaxy, tous les